Plage 5, maîtrisez vos émotions, faites le ménage. Il suffit parfois de peu pour qu'une émotion négative naisse dans notre esprit. Certaines ne sont qu'éphémères et s'évaporent rapidement, au bout d'une heure, d'une bonne nuit de sommeil ou de quelques jours. Mais d'autres peuvent perdurer longtemps, parfois même très longtemps. Une durée au cours de laquelle les effets négatifs de cette émotion nous paralysent et nous empêchent de nous envoler vers notre destin. Ce sont ces mêmes émotions qui nous font perdre nos capacités lors d'un entretien d'embauche, d'un examen, face à un directeur durant une réunion ou bien devant un client récalcitrant. L'emprise que les émotions peuvent avoir sur bon nombre de personnes est colossale et parfois dévastatrice. Et je n'amplifie rien. Demandez à un timide, qui est donc constamment la proie de ses émotions, comment il se sent dès qu'il doit s'exprimer en public ou qu'il doit sortir de sa zone de confort. Demandez donc à un dépendant affectif, lui aussi manipulé par des émotions qui dirigent sa vie, dans quel état il se retrouve sitôt qu'il se sent seul, abandonné ou rejeté. La vie de ces personnes devient alors un enfer. Alors qu'il est pourtant si simple et si rapide de se défaire de toute émotion non désirée. Qui plus est, ces émotions nous montrent la vie telle que nous la voyons, à travers nos filtres, notre passé et nos programmations, et non pas telle qu'elle est en réalité. Ainsi, nous déformons systématiquement cette réalité à notre désavantage, ce qui nous fait perdre tout moyen devant une situation qui est en fait beaucoup plus simple qu'elle nous paraît. De cette manière, nous devenons prisonniers de nos émotions qui nous empêchent de dépasser nos limites et de nous aventurer en direction d'un avenir plus radieux. C'est la raison pour laquelle il est si important de nous débarrasser de toutes ces émotions délétères et c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour commencer, prenez de profondes inspirations par le nez, bloquez quelques secondes et expirez par la bouche. À chaque respiration, le calme devient de plus en plus profond et le rythme de vos pensées ralentit. Continuez ainsi. Voilà, très bien, nous y sommes. Vous êtes calme, au plus profond de vous-même, en contact avec votre être supérieur. Pour le succès de cet exercice, il est important que vous le fassiez de manière associée et non pas dissociée. Ainsi, vous ne devez pas vous voir en train de faire les actions, mais plutôt les vivre par vous-même. Pour ce faire, je vous demande d'imaginer que vous vous trouvez en pleine nature. Ce peut être à nouveau sur une plage, en montagne, en campagne, en forêt ou en plein désert. Peu importe ce que vous choisissez, aussi longtemps que vous vous y sentez bien, heureux et en sécurité. Prenez un instant pour vous balader un peu et découvrir l'endroit. Regardez autour de vous, observez la nature, sentez les odeurs qui se dégagent. N'hésitez pas à toucher l'herbe, le tronc d'un arbre, l'eau ou le sable chaud. Détendez-vous. Non loin de vous, vous apercevez sur le sol un cercle de belle taille, formé par des pierres posées les unes à côté des autres, comme ceux que l'on construit pour allumer des feux. Tout en restant à l'extérieur de ce cercle, observez-le et faites-en le tour. Maintenant, placez-vous à une quinzaine de centimètres du cercle de pierre et prenez le temps de songer aux émotions négatives dont vous souhaitez vous débarrasser. Que ce soit des émotions survenues il y a un instant, suite à une situation désagréable, celle de la journée ou encore des émotions plus anciennes qui vous assaillent depuis un certain temps, voire même depuis votre enfance. Peu importe, c'est vous qui les choisissez. Ne les bloquez pas, laissez-les parvenir à votre esprit et même à résonner en vous, à ressentir l'impact qu'elles ont sur vous. Placez-les au niveau de votre plexus solaire, les unes après les autres. Retirez de votre plexus solaire chacune de vos émotions négatives avec vos doigts et jetez-les au centre du cercle de pierre, une à une. Voyez-les s'amasser et progressivement former un tas. À présent, étendez vos bras de chaque côté de votre buste comme si vous aviez des ailes et battez des bras comme si vous vouliez vous envoler. À chaque battement, sentez que vous grandissez de plus en plus. Continuez. Faites de grands mouvements de haut en bas et de bas en haut avec vos bras. Vous grandissez encore plus à chaque fois et le cercle de pierre vous apparaît de plus en plus petit, ainsi que toutes vos émotions négatives qui sont au centre. Maintenant, battez de vos bras avec rapidité et vigueur, de plus en plus vite. Grâce à cette force et à cette vitesse, vous réalisez que vos pieds décollent du sol, que vous vous soulevez d'un centimètre, puis deux, puis cinq. Continuez. « Vous êtes maintenant capable de vous envoler suffisamment pour atterrir au centre du cercle de pierre. Faites-le. À présent, cessez votre mouvement de bras et piétinez toutes les émotions négatives qui sont dans le cercle de pierre. Faites-le avec des pas lourds, comme le faisaient autrefois les vignerons pour fouler le raisin afin d'en extraire le jus. Allez-y! N'oubliez pas que vous êtes maintenant immense et que votre poids est important. Piétinez vos émotions négatives avec toute votre force. Poursuivez ainsi. Voyez le tas de déchets formés par vos pensées négatives devenir de plus en plus plat, de plus en plus petit, jusqu'à en être réduit en poussière et disparaître dans le sol. Plus il disparaît, et plus vous vous sentez léger et libre. Allez-y de toutes vos forces et de tout votre poids. Voilà, vous y êtes. Toutes vos pensées négatives ont disparu. Vous les avez réduites en poussière et vous les avez enfoncées dans le sol jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Elles n'existent plus et vous êtes léger comme l'air. Votre plexus solaire et votre esprit se sentent libres, débarrassés du poids de toutes ces émotions. Vous retrouvez le contrôle de votre vie et de votre esprit. C'est vous qui dirigez maintenant votre existence. Prenez un instant pour savourer ce plaisir et cette liberté. À présent, je vous demande de reprendre votre mouvement de bras. En battant ainsi des ailes, vous vous élevez progressivement. Vous êtes léger. Continuez. Peu à peu, vous commencez à vous élever au-dessus du cercle de pierre. 1 mètre, 2 mètres, 3, 5, 10, 20. Plus vous battez des ailes et plus vous prenez de l'altitude. Le cercle de pierre devient de plus en plus petit, insignifiant. De même que ces émotions qui ne sont plus qu'un déchet que vous laissez derrière vous, alors que votre corps et votre être s'élèvent. Poursuivez et montez aussi haut que vous le pouvez. Rejoignez les nuages, amusez-vous, prenez du plaisir aussi longtemps que vous le souhaitez, sans aucune limite. Continuez de voler et de virevolter dans le ciel encore un moment. Vous vous sentez libre, débarrassé de vos émotions négatives. Profitez-en encore un instant. À présent, atterrissez délicatement sur le lieu que vous désirez. Ce peut être sur le lieu que vous aviez choisi, devant chez vous ou dans n'importe quel autre endroit. C'est vous qui choisissez. Cet exercice quotidien vous permettra non seulement de vous défaire de l'emprise de vos émotions, mais il vous donnera aussi la possibilité de vous élever bien au-dessus de celles-ci, de les dominer, de prendre de la hauteur par rapport à elles, du moins de toutes celles que vous souhaitez maîtriser. Vous serez ainsi capable de trier celles que vous désirez conserver et celles dont vous voulez vous défaire. Cela vous accordera le pouvoir ultime que vous pouvez avoir sur votre existence, à savoir de vous débarrasser du mauvais pour ne garder que le meilleur. Rapidement, c'est vous qui dirigerez votre vie et non plus vos émotions. Dès que vous le voudrez, vous pourrez revenir ici et maintenant, en prenant tout le temps nécessaire avant de rouvrir vos yeux. Puis levez-vous et faites quelques pas en faisant bouger vos bras et vos jambes. Mais si vous souhaitez maintenant effectuer un autre exercice, alors gardez les yeux fermés et prenez de profondes respirations.